Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus et disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Chez Intermarché. Jusqu'au 10 juillet, la pizza Haute-Cœur Ristorante est à 2,15€ avec en plus 40% en avantage carte. Oui, 40%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété 4 fromages, 340 grammes, 6,33€ le kilo. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Citroën, bonjour. Oui, bonjour. J'ai envoyé un bâton à mon chien et avant qu'il me le rapporte, je me demandais si j'avais assez de temps pour venir chez vous avec ma vieille voiture et repartir en Citroën. Le chien, quelle race? Un basset. Vous êtes large. Eh ben j'arrive. Avec les départs immédiats Citroën, profitez de 5 000€ de prime sur Citroën C4 avec climatisation, navigation tactile et assistance 7 ans. Disponible immédiatement en concession. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule d'occasion hors vitamine, valable jusqu'au 31 août dans la limite des stocks disponibles. Équipement selon version, détails sur carstore.citroën.fr. Renaud nous parle de son livre « Comme un enfant perdu ». J'ai enfin trouvé les mots pour dire ma vie, ma colère, mes souffrances. Ces mots, je les ai sur le cœur depuis tant d'années. Des livres sur Renaud, il y en a eu beaucoup. Mais un livre de Renaud, c'est la première fois. À tous ceux qui ont espéré mon retour, j'ai voulu dire l'homme que je suis, ma vérité. « Comme un enfant perdu », un livre bouleversant. Un livre XO, numéro 1 des ventes. Leclerc. Mon amour, 5€ par jour la location d'une Fiat Punto Italia 5 portes chez Leclerc. Pour partir en week-end, on va louer une voiture. 5€ par jour. Une offre défiant toute concurrence. Je vais réserver tout de suite. C'est parce que prendre la route ne doit plus être une question de prix que chez Leclerc, la location de voiture Fiat Punto 5 portes équipée est disponible à partir de 5€ par jour toute l'année, plus 15 centimes d'euros par kilomètre, selon disponibilité dans les magasins participants. Voir modalité en magasin et sur le site location.leclerc. 5€ par jour une Fiat Punto. Il y a quoi comme couleur ? RTL Matin, laissez-vous tenter avec Jérôme Chapuis. Paname, Paname, on arrive, hein. Moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, hein. Moi mes rêves et mes chansons. RTL et Laissez-vous tenter vous offre ce matin le premier album de Slimane. Et mais pour cela, il fallait répondre à cette question, Steven Bellery. Quel accessoire porte-t-il tout le temps sur la tête? Ben voilà, c'est un bonnet. C'est un bonnet, voilà, bien sûr. Il est dans le grand studio à 15h ce samedi en concert. Notez bien. La tête près du bonnet. Sur RTL, c'est noté. On réécoute un peu Slimane. Ils se foutent de tout, dans les bars, ils boivent des coups, à la santé de tous leurs amours, qui bien sûr dureront toujours. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Il arrive, il arrive, il arrive. Il n'a pas de bonnet, mais il ne vous laissera jamais porter le chapeau. C'est Julien Courbet. Bonjour, bonjour Julien. Dites, je me posais la question. Le Slimane dont vous parlez, c'est bien celui, le méchant de Rabbi Jacob. Je ne savais pas qu'il s'était mis à la chanson. Ah, il Slimane portait le chapeau lui aussi. Slimane, oui, il faisait peur en plus. Effectivement. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle matinée. Excellente journée à vous. Merci, et vous à demain, aussi. Julien. Et à toute l'équipe. Et dites à Isabelle Morini-Bosse qu'elle vienne me voir, parce que j'ai à lui parler. Elle arrive. Oh, elle est très inquiète. Non, tout ventre va bien. À terre à 10h. Non, non, pas. Je n'ai pas dit que j'avais. Je voulais juste lui parler. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, car sur cette radio, il n'est pas question de faire du best-of ou autre rediffusion. L'auditeur est là, il n'est pas forcément en vacances. On s'occupe de lui, même au mois de juillet. C'est pour ça que vous allez nous appeler au 3210. Vous avez un souci. Nous nous tentons la négo en direct et rien ne vous échappe puisque tout est sur l'antenne. Un exemple simple, un exemple de la vie de tous les jours. Frédéric est en ligne avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Monsieur Courbet. Voilà ce que Frédéric nous a laissé comme message sur le répondeur du 9h30-11h. À cause d'une fuite de gaz, j'ai dû relaver tous les vêtements de mon pressing. On me doit plus de 1 300€. Cela fait plus de 3 mois, mais personne ne sait où est parti l'argent. Personne ne sait où est parti l'argent et ça démarre par une histoire de fou. Ah, vous nous révélez des surprises chaque matin et regardez qui est avec nous ce matin. Il y a la grande avocate spécialisée pénale, meilleure avocate de France, Maître Novakovic qui bonjour est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Pour négocier, c'est Slimane et nous avons Bernard Sabat qui est avec nous. Bonjour Julien, bonjour à tous. La vie est belle, la vie est RTL. Allez, c'est parti avec Frédéric. Bonjour Frédéric, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Vous nous appelez d'où Frédéric ? De Saint-Barthélemy d'Anjou. 17 juillet 2015, alors qu'une entreprise effectue des travaux devant le pressing de votre femme, une pelle mécanique accroche par accident une canalisation de gaz et provoque une fuite. Alors le site est tout de suite mis en sécurité, le pressing est fermé une demi-journée, mais suite à l'odeur de gaz, qu'est-ce qui va se passer avec tous vos vêtements ? Les vêtements, alors l'odeur de gaz était bien sûr présente dans le local, mais il y avait surtout aussi beaucoup de poussière puisque la porte est restée ouverte 2 à 3 heures. Donc on se devait absolument de renettoyer tous les vêtements de nos clients, bien sûr. Mais c'était une obligation parce qu'ils étaient pleins de poussière et qu'ils sentaient mauvais, c'est ça ? Alors c'était une obligation parce qu'on se doit de respecter les vêtements de nos clients. Nous sommes en haute qualité, donc il était hors de question d'avoir le moindre doute sur l'odeur ou un peu de poussière déposée, bien sûr. Et bien sûr, les experts constatent les dégâts, puisqu'il va y avoir, vous allez signaler l'incident à votre courtier qui a contacté l'assurance, et il estime à 1400 euros le fait que vous ayez dû tout relaver, etc. Finalement, en avril, après plus de 6 mois d'attente, votre courrier vous explique que la société distribution de gaz accepte le montant des indemnités que vous serez payé sous 15 jours. Mais mi-mai, mauvaise nouvelle, la somme serait bloquée au service comptabilité du distributeur de gaz à cause d'une erreur d'adresse. Et alors, malgré tous les efforts de votre courtier, il faut dire aussi que la tâche est insurmontable. Il faut écouter bien, mesdames et messieurs, en 2016, prendre une adresse, effacer cette adresse et rentrer une nouvelle adresse. On leur aurait dit, envoyer une fusée sur la Lune comme nous le faisons régulièrement. Ça, ils auraient dit, bah, ok, Dédé, envoie une fusée. Mais là, changer d'adresse. Est-ce que vous vous rendez compte, Frédéric, que c'est quasi impossible ce que vous demandez ? Ah ça oui. Fait combien de temps que vous le demandez ? Eh bien, ça fait 2 mois, enfin 3 mois en tout, verbalement, et depuis le 11 mai que mon assureur m'avait stipulé que le chèque était pas le chèque ou le virement, à vrai dire, personne ne sait, puisqu'on nous dit on a payé le 11, mais on sait pas à qui ni où. Ah, très bien. Alors, Maître Novakovic va maintenant intervenir et croyez-moi, vous me la mettez en colère dès le début, ce qui ne nous arrange pas parce que vous, après, quand votre cas sera fini, vous allez rentrer chez vous. Mais nous, on reste avec elle. Allez-y, Sylvie. Oui, ça me met de mauvaise humeur, Julien, parce que j'ai en ma possession une pièce qui justifie la reconnaissance par GRDF, effectivement, de cette dette. Donc, il y a une quittance qui a été signée par la MMA. Donc, déjà, contactons l'assureur pour vérifier s'ils n'ont pas reçu entre-temps cette somme. Mais dans tous les cas, bien sûr, ils ont reconnu. Donc maintenant, il faut débloquer immédiatement la situation, sinon ce sera le tribunal, avec des dommages et intérêts pour résistance abusive. Alors, ça arrive souvent, hein, Frédéric, des fois ça s'est passé dans la soirée ou dans la matinée, vous avez vraiment eu votre courtier tôt ce matin ou hier soir, il n'avait toujours rien reçu ? Non, je ne l'ai pas eu. Bon, alors nous allons. Je ne l'ai pas eu. La semaine dernière, il n'avait rien reçu. Alors nous allons rappeler et opération maintenant, ça sent le gaz, car c'est le cas. Il faut lui rembourser ses 1400 euros. Nous préparons le numéro. Pendant ce temps-là, vous nous appelez au 3210, si vous le voulez bien, et nous allons tenter de régler tous vos problèmes ce matin. L'été démarre, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on est sur RTL, à tout de suite. RTL. Quand Marie a eu l'idée de casser le mur du salon pour faire une cuisine américaine, Hervé s'est dit que la vraie bonne idée, c'est de profiter du festival de juillet Bricomarché. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Du 29 juin au 10 juillet, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15 euros par tranche de 100 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15 euros par tranche de 100 euros, magasin participant sur bricomarché.com. Citroën, bonjour. Oui, bonjour. J'ai mis une tarte au four et je me demandais si j'avais assez de temps avant que ça crame pour venir chez vous avec ma vieille voiture et repartir en Citroën. Pour combien de personnes la tarte ? Bah, 12. C'est bon. Avec les départs immédiats Citroën, profitez de 6300 euros de prime sur Citroën C4 Picasso avec navigation tactile, caméra de recul et assistance 7 ans. Disponible immédiatement en concession. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule d'occasion valable jusqu'au 31 août dans la limite des stocks disponibles AMP7 ou antérieur. Équipement selon version, détails sur carstore.citroën.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est la loose. Pour Lidl ? Mais pour nous, oui. Parce que dès demain, pour fans de barbecue, les 4 saucisses de Toulouse Origine France sont à 2,75€ les 480 grammes. Moins de 70 centimes la saucisse. 4 saucisses de Toulouse à seulement 2,75€. Toulouse hors de Toulouse, telle est la question. Moi j'ai la réponse, hein. Direction Lidl, oui. À ce prix-là, les saucisses de Toulouse, moi je les invite toutes à mon barbecue. Eh ben on est mal. Ah oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,73€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Monsieur, Non, écoutez, là, il faut sortir du placard. Les clients suivants sont arrivés. Pitié, juste une nuit de plus. Il y a encore un super match sur Bein Sport ce soir. Bein Sport dans toutes les chambres équipées. Petit déjeuner complet pour 6,15€. Accueil personnalisé. B&B Hotel, venez pour le prix, restez pour tout le reste. Et dans toutes les chambres équipées, profitez du Wi-Fi haut débit gratuit et illimité. Voir conditions sur hotelbb.com. J'ai perdu 12 kilos avec Comme J'aime. 12 kilos, c'est l'équivalent de 12 bouteilles de lait. Vous imaginez, avant, c'était comme si je portais en permanence toutes ces bouteilles. Pour marcher, monter les escaliers, j'étais toujours épuisée. Avec Comme J'aime, je me suis enfin débarrassée de ces 12 kilos et je me sens légère. Comme J'aime, ce sont de vrais repas bien équilibrés, livrés à domicile. Ça marche, on perd ses kilos. Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit. En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante. 0800 507 507, un mois gratuit. Appel gratuit depuis un fixe. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il y a trois numéros à faire et nous allons les faire avec vous. Le premier, c'est le courtier pour savoir où il en est de cette procédure. Alors Frédéric nous dit, il fait beaucoup d'efforts, on va essayer de savoir où il en est dans l'effort. Ensuite, on appellera l'assurance qu'a choisi le courtier. Ensuite, on appellera la compagnie du gaz, puisqu'apparemment le chèque a été fait, mais personne ne sait où il est. On va les aider à le retrouver. Donc vous vous occuperez du premier étage, Maître Nocovitch. Je vous mettrai à quatre pattes, vous chercherez sous les meubles. Non, pas quatre pattes, non. Me retrouver ce chèque. Ah, non, dommage. Non, je suis pas d'accord. J'ai essayé de faire passer le chèque pour l'avoir une fois. Ça passe pas. Caramba, encore raté. Ça ne marchera pas. J'essaierai autre chose d'ici la fin de la matinée, car je ne lâche rien. C'est parti, on appelle donc votre courtier, Frédéric, sur RTL dans le 9h30-11h. Oui, merci. Je vous en prie. Mais dites donc, trop le blabla, qui me dit cet homme-là. Allô ? Cabinet Martin, Ludivine Martin, bonjour. Bonjour Ludivine, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je suis avec un de vos clients, Frédéric Rabouran, qui, vous savez, a un pressing, il a eu un petit souci avec une fuite de gaz et ils ont du mal, apparemment, alors c'est pas vous, hein, vous l'aidez, à récupérer l'argent que lui doit la compagnie de gaz. C'est le pressing Saint-Barth, vous voyez où il est ? D'accord, oui. Voilà, alors il nous dit Frédéric est en ligne. Frédéric, dites bonjour à cette dame que vous connaissez certainement. Oui, bonjour Madame Martin. Voilà. Bonjour. Alors, on essaie, nous, de l'aider à récupérer son chèque, puisqu'il l'attend depuis maintenant le 17 juillet. Enfin, en tout cas, ça s'est passé le 17 juillet 2015. On voulait savoir un petit peu de votre côté où en êtes-vous avec la compagnie adverse ou avec l'assurance que vous avez choisie. D'accord. Alors, moi, ce que je peux faire, c'est vous passer le numéro de téléphone du service qui gère ce sinistre. Alors, vous passez un petit instant. Mais bien sûr. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très aimable. Donc, du côté du courtier Frédéric, on va essayer de nous passer quelqu'un. Je vais quand même tout de suite lancer, allez, l'assurance maintenant. Donc, je rappelle qu'un courtier choisit pour vous une assurance, Frédéric. Donc, vous êtes assuré à la demande de votre courtier chez MMA. Mais ce qui m'a semblé bizarre, c'est qu'il y avait la musique d'MMA déjà chez le courtier. Alors, c'est une assurance MMA. Ah, oui, j'ai compris. Allô, oui, MMA ? Oui, c'est MMA. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Est-ce que madame Vague est là ? Je suis madame Vague. Ah, oui. Madame Vague, bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame Vague, je vous appelle car j'ai un de vos clients, Frédéric Rabouan, qui tient un pressing. Il y a eu une fuite de gaz dans la rue, bref, il y a eu un petit sinistre et il attend d'être remboursé par l'assurance adverse qui est l'assurance de GRDF. Et vous, vous vous occupez de lui et ça fait des mois et des mois, il n'arrive pas à savoir où en est son dossier. Et d'après les renseignements qu'il a, le chèque aurait été fait mais personne ne sait où il est. Est-ce que vous pouvez... Vous voyez de qui il s'agit déjà ? Alors non, alors un instant. Hein. Ah, alors un instant, on y va. C'est parti, je patiente aussi. Je suis... Appelez-moi maintenant Jean-Pierre un instant. À chaque fois que je m'adresse à quelqu'un, c'est... Oui, tout à fait, un instant. Et hop là, et là je vous rappelle que c'est un autre match qui est beaucoup plus important que celui France-Allemagne que vous verrez jeudi qui vient de commencer. Car le courtier donne le dossier à l'assurance. L'assurance n'en va pas, elle tape en retrait, elle botte en touche. Personne n'a la balle, on attend pour l'instant. L'arbitre demande à un joueur, récupérer le dossier. On va pas arrêter le match là, les gars, personne ne veut le prendre. Les remplaçants s'enfuient. Alors les spectateurs essaient de les rattraper, ils sont allô maintenant... Oui, allô ? Allô ? Oui, je vous écoute, madame. Oui, bonjour, Sylvie Baudreau, service responsabilité administrative. Bonjour, madame. Julien Courbet, donc je vous répète le but de notre appel ? Oui, parce que ma collaboratrice m'a passé... Mais s'il n'y a pas de souci. Donc je suis chez MMA, là, hein ? Oui, tout à fait, monsieur. Alors, vous avez un de vos clients qui s'appelle Frédéric Rabouan, qui a un pressing. Il y a eu un sinistre dans la rue, une fuite de gaz. Les portes étaient ouvertes, poussière et gaz sont rentrés dans le pressing. Il y a eu une expertise. Il a été décidé que la compagnie de gaz, GRDF, devait 1 400 €. D'accord. Et il y a eu une lettre d'acceptation de règlement de sinistre, d'ailleurs, de votre part, sauf qu'il attend toujours le chèque, il ne sait pas où en est la situation. D'accord. Est-ce que vous auriez un numéro de dossier ? Mais bien sûr. Alors, j'ai effectivement. Alors, j'ai vos références, nos références. Alors, donnez-moi les deux et je vais voir. Les deux. Alors, c'est un peu long, mais on va prendre le temps. C'est parti. 09, ça, c'est vos références. Oui. 0917. Oui, tout à fait. 15. 4902. 00 240 H comme Hortense et MMA derrière. Oui, okay. C'est bien cela. Voilà. Je sais pas, je vous demande un instant. Allez, merci. Jean-Pierre, un instant. On se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL avec Jean-Pierre, un instant, merci. Maître Novakovic et Bernard Sabat. Un deuxième cas va arriver à n'importe quel moment au 3210. Mais là, juste avant, est-ce que j'ai le temps ou il faut faire la pause tout de suite? Un coup de cœur pour mon ami Pascal Pro. Pascal Pro, vous le savez, chaque matin, alors c'est déjà un grand spécialiste du foot sur RTL, et chaque matin, il fait un billet d'humeur dans la matinale info. Et celui de ce matin était extraordinaire, parce qu'il a un petit côté un peu révoltant, et j'adhère à tout ce qu'il a dit. Je voudrais qu'on réécoute quand même. Alors, vous vous rappelez qu'il y a une dame qui s'appelle Agnès Salle, qui était à l'INA et au ministère de la Culture, et qui a juste dépensé une petite quarantaine de milliers d'euros, je crois, de taxi, puisque son fils, apparemment, en profiter tout ça. Et voilà la suite, vous expliquez dans le billet d'humeur que j'ai décidé de repasser, il y en a pour 30 secondes. Alors Agnès Salle a donc retrouvé son bureau au ministère de la Culture. Au nom de l'exemplarité, Karim Benzema ne dispute pas l'euro, alors qu'aucune justice ne l'a condamné, et qu'il est simplement mis en examen. Au nom de l'exemplarité, promotion ENA, la reprise de justice Agnès Salle réintègre l'administration. Les hauts fonctionnaires en France ont tous les droits. Ils jouissent d'une impunité quasi totale. Dans quelle entreprise un salarié qui a volé la société à hauteur de 40 000 euros, condamné, retrouverait-il son bureau après 6 mois de mise au piquet? Quelle crédibilité pour Agnès Salle? Quelle dignité pour le service public? Quelle image pour le ministère de la Culture? Et quel exemple pour nous, les Français? Agnès Salle est énarque et l'ENA est un vaccin qui immunise contre le chômage et protège contre les condamnations judiciaires. Comme disait Mao, le poisson pourrit par la tête. Le cas Agnès Salle révèle l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent, l'exemplarité. C'est toujours pour les autres. Car dans cette histoire, c'est pas tellement qu'elle ait pris des taxis. Voilà, elle a fait une bêtise. C'est surtout qu'après, tous ces gens-là viennent donner des leçons. Je me rappelle d'un animateur qui a décidé d'aller vivre en Belgique où tout le monde est monté en créneau. C'est une honte. La ministre de la Culture à l'époque, je crois que c'était Madame Filippetti, avait dit « C'est une honte, il faut être français. Benzema, il ne doit pas jouer. C'est une honte. » Et la collègue qui prend les taxis, ah bah elle va. Non, elle, c'est pas pareil. Elle peut aller retravailler. L'exemplarité, comme l'a dit Pascal Pro, c'est pour les autres et ça sera le tube de l'été. Come on ! Je fais de la politique. L'exemplarité, c'est toujours pour les autres. De la politique. L'exemplarité, c'est toujours pour les autres. Je suis à l'élélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélélé RTL. Allez, nous allons écouter, si vous le voulez bien, Coldplay. Comment ça se passe du côté de chez Zéro Blabla, Zéro Trac MMA? Bon, écoutez, ça blablate pas beaucoup, mais c'est efficace. La dame a trouvé déjà les références. Génial, à tout de suite sur RTL. génialissime Coldplay. Les meilleures musiques sont sur RTL chaque matin grâce à notre service programmation. Et nous avons du nouveau dans l'histoire du pressing, de la poussière, du gaz, du chèque qu'aurait dû faire la compagnie de gaz à Frédéric. Nous en saurons plus dans une seconde, Bernard Sabat. Oui, Madame Bro de MMA, responsable du dossier, a des informations très intéressantes à vous communiquer, Julien, et en direct. Il est très fort, ce Bernard Sabat, en direct. Vous l'avez entendu, elle aura des informations, Maître Novakovic, de la plus grande importance à nous donner, car je soupçonne qu'au-delà de l'affaire du gaz, elle soit en mesure, cette dame, de nous dire qui a tué Kennedy. Nous allons le savoir dans une seconde. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lesite.fr. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée? Eh bien, Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés. Sinon, désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Bonne nouvelle! Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus et disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Carrefour Market. J'adore mon travail, mais le moment que je préfère, ça reste la pause café. Ça tombe bien, Michel. Jusqu'au 17 juillet chez Market, avec ma formule gagnante, vous économisez dès le premier achat sur une sélection de produits de marque. Comme le café ? Absolument. Par exemple, pour un lot de café moulu velours noir acheté, c'est 30% de remise immédiate, pour 2, 40% et pour 3, 50%. Alors vous venez, on se fait une petite pause. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 4 fois 250 grammes, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bernard, je vous écoute. Madame Bro est à l'antenne, c'est la responsable du dossier. Elle souhaite vous parler de MMA. Madame Bro, merci encore une fois d'être avec nous. Je répète pour nos auditeurs que Frédéric attend un règlement. Donc vous êtes la compagnie qui assure l'auditeur, qui a eu un souci puisqu'il y a eu une fuite de gaz dans la rue et le gaz et la poussière sont entrés dans le magasin. Et c'est vous qui négociez avec GRDF pour le paiement. Donc il y aurait eu un premier chèque de fait de la part de GRDF qui se serait perdu. C'est ça, Madame Bro ? Tout à fait. Le chèque n'est jamais arrivé jusqu'à notre compagnie. Donc j'ai confirmation de cela. J'ai retrouvé un échange de courrier avec ERDF. Donc par contre, il n'y a aucun souci sur la responsabilité. Il n'y a pas de problème. Nous intervenons au titre d'une garantie défense et recours pour notre assuré et ERDF était bien donc d'accord pour nous régler. Donc il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire dans ce cas, je me propose de faire une avance de recours pour l'assuré et je vais régler le problème avec ERDF ensuite. Et c'est très sympa, madame. Et alors, on va peut-être pas appeler. Moi, je me proposais d'appeler, si vous le voulez, GRDM. Et si vous me dites, je peux le faire moi-même et régler ça toute seule. Je vais régulariser ce problème avec GRDF. Bah, bravo. C'est vraiment voilà. Zéro blabla, zéro tracas. Il n'y a pas, il n'y a rien d'autre à dire. Frédéric, vous avez entendu? Oui, tout à fait. Donc, votre assurance va vous payer et va aller chercher les sous auprès de GRDF. Mais madame Rowe est très gentille parce qu'elle me disait aussi que les gens de GRDF n'étaient pas si conciliants que ça parce qu'ils ne voulaient pas refaire le chèque. C'est important de le dire aussi. C'est vrai, ça, que quand vous leur avez dit le chèque, on ne l'a jamais reçu, ils ne veulent pas le refaire? Alors, écoutez-moi, personnellement, je ne suis pas la gestionnaire de ce dossier. Je ne pourrais pas vous apporter cette info. Je vais la vérifier auprès de la collaboratrice. Bon, enfin, ceci étant attendez, je vais vous dire. Nous, on n'est pas là. On est juste là pour aider l'auditeur, comme vous faites, vous, avec vos assurés. Frédéric va avoir son chèque, c'est le principal. Et après. L'important, c'est notre client. Exactement. Dans le dossier. Eh bien, merci. J'étais ravi de vous parler, madame, et bravo MMA. Vous êtes des pros. Merci. Passez un bel été. Bonne journée. Au revoir. Voilà, Frédéric, vous avez bien fait de choisir MMA. Ils vont vous faire un chèque et c'est eux qui iront chercher l'argent après. Vous me tenez au courant, Frédéric ? Bien sûr, c'est très très gentil, je vous remercie. Alors attendez, c'est pas fini. On va quand même parler de votre pressing. Parce qu'attendez, quand on a le pressing Saint-Barthes, on s'imagine que quand on arrive là-bas pour porter sa chemise avec du rouge à lèvres, on va trouver derrière le comptoir une superbe nana qui va vous faire un petit mojito, que ça doit repasser en topless, que ça doit nettoyer au son de musique un peu One Again. Parlez-moi de ce pressing Saint-Barthes. Alors, c'est pas tout à fait ça quand même, mais c'est vrai que ce serait bien. C'est une bonne idée, je vous remercie. Attendez, je viens de lire la suite de l'affiche. Ah d'accord, pressing Saint-Barthes à Saint-Barthélemy d'Anjou. Ah d'accord. Oui, tout à fait. Je croyais que c'était le Saint-Barthes où allaient toutes les vedettes, moi. Et non. Alors, tous au pressing Saint-Barthes, 2 rue Jean Jaurès à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et si vous venez de la part de Bernard Sabat, un kir vous sera offert. Allez, merci beaucoup. Et passez une belle journée, je suis ravi pour vous. Merci Julien. Merci à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Journée. Deuxième cas sur RTL, au revoir. Deuxième cas au 3210, vous appelez maintenant, vous pouvez passer dès ce matin sur l'antenne, ou vous allez sur le Facebook, sur la page Chef peut vous arriver, vous nous expliquez votre problème et nous on négocie pour vous comme on l'a fait là. Du résultat, uniquement du résultat. Alors peut-être qu'on peut juste rapidement, Maître Novakovic, donner un petit conseil. Quand à un moment donné, là, on a fait bouger les choses. Si ça ne bouge pas avec ma propre assurance et que j'ai décidé de me rebeller, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la compagnie adverse, c'est-à-dire la compagnie du gaz, l'assurance de la compagnie du gaz ou ma propre assurance? On vient rechercher sa propre assurance qui a une action qui bénéficie d'une action qu'on appelle récursoire contre le débiteur. Mais parallèlement, on peut adresser également une lettre recommandée au débiteur en le mettant en demeure d'accomplir et de respecter ses obligations. Parce qu'il est évident que devant un tribunal, ce débiteur serait condamné lourdement pour mauvaise foi. Parce qu'une fois de plus, une quittance a été signée. Merci Maître Novakovic. Le cas suivant sera celui d'Alain, une commande internet qui a mal tourné. Tous vos cas de vacances, si vous êtes actuellement piégé pendant vos vacances ou alors vous les avez commandés, vous ne les avez pas, c'est tout de suite 3210, la radio des vacances. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les socas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélange êtes la mer et moi je suis le sable. Vous êtes le ciel et moi je suis la terre. Et c'était Zaz avec On ira. Le deuxième cas arrive là tout de suite sur l'antenne d'RTL. J'ai commandé un meuble télé sur internet. J'habite au deuxième étage et on me l'a livré au rez-de-chaussée. Et par-dessus le marché, donc ce mobile est arrivé cassé en plusieurs morceaux. Nous allons essayer de résoudre ce cas dans le 9h30, 11h. Bon été à tous. Si tu as envie d'un appart, va voir Cydia, ils prendront soin de toi. Si tu as envie d'être calé chez toi, en ne perdant pas de temps, va voir Cydia. Cydia est l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Si tu as envie d'un appart, va voir Cydia.com. Cydia.com. Popcom.fr. Vous allez où, vous, pour changer vos pneus? Sur Internet ou chez un pro? Moi, je vais sur Internet et chez un pro. Et hop, popgum.fr. Sur popgum.fr, je choisis mes pneus parmi les grandes marques, je paye tout en ligne et je prends rendez-vous chez un pro pour le montage. Et hop, popgum.fr. En ce moment, jusqu'à 80 euros offerts pour 2 ou 4 pneus Michelin achetés. Détails et conditions sur popgum.fr. Popgum.fr, le spécialiste du pneu de marque à prix Internet. Popgum.fr. Simplifiez-vous le pneu. Carrefour. Oh Claire, c'est quoi ça? Ça, c'est nouveau. C'est le douche-soin ultra doux de Garnier. Je l'ai découvert grâce à l'opération au top de ma beauté chez Carrefour. Et en plus, jusqu'au 11 juillet, il y a 40% de remise immédiate. Non, c'est pas vrai. Mais si. Et en plus, il y a des promos sur plein d'autres produits. Oh, toi, t'es toujours au courant des bons plans. Eh ouais. Jusqu'au 11 juillet, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le douche-soin ultra doux de Garnier. 2x250 ml. Carrefour. Merci d'avoir choisi la radio numéro 1 et l'émission la plus écoutée de France. Le 9h30, 11h, nous sommes avec vous pour vous aider. Vous êtes sur RTL. Et à la seconde près, il est 10h. L'information sur RTL, Steve Carnotouch, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ils sont plus de 700 000 à stresser en ce moment. Il est 10h et la majorité des résultats du baccalauréat viennent d'être publiés. Un grand moment pour tous les lycéens français. Certaines académies ont déjà publié les résultats comme celle d'Aix-Marseille depuis 2h. Il faudra patienter jusqu'à 18h pour les lycées de l'académie de Bordeaux. Un petit rappel, si vous avez plus de 10 sur 20, eh bien vous avez le bac. Entre 8 et 10, c'est le repêchage qui va démarrer dès demain. En dessous de 8, c'est raté, mais pour tout le monde, pour que tout le monde se rassure, l'année dernière, près de 9 candidats sur 10 ont eu leur baccalauréat. L'attaque du Bataclan n'aurait pas pu être évitée. C'est l'une des conclusions du rapport rendu public aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre. Il n'y a pas eu de gros ratés dans la gestion des attentats, mais la France n'était pas prête à affronter des attaques djihadistes de cette ampleur, précise le rapporteur. Il prône notamment la refonte des services de renseignement autour d'une agence nationale. Par ailleurs, la commission juge que l'état d'urgence a une portée limitée et l'opération Sentinelle n'a pas prouvé son efficacité aux yeux des députés. Le Premier ministre Manuel Valls va utiliser l'article 49.3 dès aujourd'hui concernant la loi travail. C'est une information RTL. Ce n'est pas la peine de perdre encore du temps, confie le Premier ministre. L'examen du texte doit débuter cet après-midi à 15h et sur le papier, les députés ont jusqu'à vendredi pour examiner près d'un millier d'amendements. François Hollande et Manuel Valls ont prévenu qu'ils défendront jusqu'au bout un texte de progrès. Et du coup, certains députés à gauche envisagent même une motion de censure cet après-midi. Et justement, cet après-midi, toujours, un cortège de manifestants partira à 14h de la place d'Italie, direction place de la Bastille. Manifestation également un peu partout en France. Un homme de 22 ans a ouvert le feu sur des gendarmes qui ont riposté et l'ont abattu en état de légitime défense la nuit dernière. Cela s'est passé à Tersanne dans la Drôme. 3 militaires ont été légèrement blessés par les tirs du forcené. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Grenoble et à la brigade de recherche de Romans. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Clairefontaine. Voici donc les pronostics de Bernard Glass. Le 2, le 4, le 5, l'As, le 3... Le 14, le 8, le 7 et la dernière minute, le 5, art majeur. La météo pour cet après-midi, nuageuse sur la majorité du pays, à l'exception de la Côte d'Azur avec un franc soleil, tout comme à La Rochelle. Un risque d'orage, cependant à noter en Savoie et en Haute-Savoie. Les températures cet après-midi comptaient 17 en Normandie, 20 à Lille, 21 à Paris et Bayonne, 28 à Marseille et jusqu'à 34 degrés à Nîmes. Allez, on prend tout de suite la direction du Tour de France. RTL Tour de France 2016. L'étape du jour. Nicolas Georgerot. Et on vous retrouve bien sûr Nicolas Georgerot et Laurent Jalabert pour l'étape du jour. Bonjour à vous. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. La quatrième étape de ce Tour de France 2016, Saumur-Limoges, la plus longue étape de ce Tour, 237,5 km. Oh, on l'a trouvée longue l'étape de la veille, aujourd'hui elle est encore plus longue, souhaitons que ça roule un petit peu plus vite. Le peloton a pris le temps de récupérer après les deux premières étapes, un petit peu nerveuse dans la manche. On imagine que les sprinteurs ont un cœur à nouveau d'aller contrôler la course. Hein. Ils n'ont pas tous gagné, Greipel a encore été devancé in extremis sur la ligne par Marc Cavendish, qui pour l'instant est le meilleur scoreur. Sagan a gagné son étape, mais il reste encore du monde à vouloir son étape au sprint. L'Equitel, Coquart, Greipel bien sûr, sont encore avec les dents qui raclent le bitume. Donc on peut imaginer que ces équipes-là au moins vont essayer de contrôler les échappées, mais je pense que le terrain étant un peu plus accidenté, on risque d'avoir une course un peu plus mouvementée dans les derniers kilomètres, parce que cette distance de 237,5 km, elle affole les compteurs un petit peu, les coureurs réfléchissent, le tour c'est long, c'est difficile, on sera bientôt dans la montagne. Inutile de dépenser de l'énergie et mal à propos, on préférera attendre le final pour essayer quelque chose, sachant qu'un sprint ce sera peut-être difficile à éviter. Merci Laurent Jalabert, départ de Saumur dans le Maine-et-Loire à 11h10, bonne étape à tous. Merci. Et le Tour de France est bien sûr à suivre en fil rouge sur RTL. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Énergie, fournisseur d'électricité et de gaz. RTL, 10h04, tout de suite vous retrouvez bien sûr Julien Courbet et toute son équipe pour Ça peut vous arriver. Merci, alors je me suis permis de le faire à l'américaine, j'ai dit I'll touch. Oh yeah, of course. C'est Arnaud Touche, mais si vous voulez, quand j'ai entendu touch, j'ai tout de suite pensé à... Vous vous rappelez d'elle? Elle avait une très très grosse voix. Cette chanteuse, Samantha Fox, merci beaucoup. Merci pour cette dédicace. À tout à l'heure, Arnaud, c'était pour vous. Nous sommes en direct ce matin car ce n'est pas parce que l'été démarre qu'on va commencer à faire de la rediffusion et du best-of. Ça, le président a dit pas de ça chez nous. Donc, on est en inédit, on est là, on vous aide. Les meilleurs sont là. Maître Novakovic est avec vous ce matin. Il y a également Sarah, Alain, Bernard pour négocier, Xavier et nous faisons des cas inédits et nous allons démarrer celui d'Alain. Vous nous appelez au 3210 si vous le voulez ou bien sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et n'hésitez pas, hein, pendant toutes les vacances, le répondeur va tourner. Donc, si vous êtes en train de galérer peut-être sur un lieu de vacances ou quoi, c'est le moment ou jamais d'appeler. Alain, bonjour. Bonjour. On a écouté bonjour, tout à l'heure bien. Votre petit message. Vous nous appelez d'où, Alain ? J'habite à Bandol, dans le Var. Ah, Bandol, voilà qui me donne envie de partir en vacances. Ah, vous connaissez Bandol, Maître Novakovic ? Oui, bien sûr. Oh, c'est la fête là-bas, Bandol. Alain, 5 juin, oui. Vous avez commandé à Bandol, sur Internet, un meuble pour votre télévision. Et la facture s'élève à 394 €. Et elle comprend la livraison à domicile. Et le 10 juin, le transporteur vous livre le colis. Alors, vous habitez au deuxième étage. Et où est-ce qu'il va le laisser ? Alors le livreur, effectivement, avec le mobilier Nitro, qui était le fournisseur de ce meuble, il était prévu qu'il me laisse au rez-de-chaussée. Donc c'était un carton qui faisait à peu près 2 mètres de long. Mais c'était prévu qu'il le laisse au rez-de-chaussée ? Oui. D'accord, donc il l'a laissé au rez-de-chaussée ? Et voilà, d'accord. Il l'a laissé au rez-de-chaussée. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc moi je suis allé le réceptionner, j'ai mon fils avec moi, donc on est allé le réceptionner, j'ai effectivement émargé pour libérer, c'était le vendredi, hein, pratiquement vers 16h40, donc pour libérer le chauffeur, c'était sa dernière... Oui. Vous allez m'obliger à faire mon sketch, hein. J'avais longtemps que je ne l'avais pas fait, de l'auditeur, vous savez, qui avant d'arriver, qui n'arrive pas à aller à l'essentiel et qui veut absolument tout nous raconter. Mais vous avez raison Alain, c'est la vie, on s'amuse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors allons-y, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce colis ? Donc le colis, après je l'ai monté effectivement dans mon appartement au deuxième, et quand je l'ai ouvert, alors d'abord il était marqué dessus showroom, ça m'a surpris parce que pour moi c'était un meuble neuf que j'avais acheté, non pas un meuble d'exposition. Et quand j'ai ouvert le grand carton, je me suis aperçu que les deux grands panneaux étaient cassés. D'accord, alors vous avez téléphoné je suppose Alain, tout de suite, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Envoyez-moi un mail avec les photos pour me montrer les dégâts. C'est ce que j'ai fait le soir même, le vendredi soir, à 17h, le mail est parti. Aujourd'hui, on en est où ? Sans être trop long, j'ai attendu donc le week-end, bien sûr. Le lundi, personne ne m'a appelé. Je l'ai appelé, ils m'ont dit rappelez mardi. Ouais. Et le mardi 14, quand j'ai rappelé, ils m'ont dit quelqu'un va vous donner une réponse. Et j'ai reçu un mail vers 10h et des broutilles, comme quoi ils n'étaient pas responsables. Et donc aujourd'hui, vous voulez donc un meuble télé ou qu'on vous renvoie un neuf, c'est ça ? Voilà, le meuble, ou qu'on me rembourse, il n'y en a pas d'autres, j'en sais rien, mais qu'on me... Oui, moi j'ai besoin d'un meuble télé. J'ai compris Alain, parfait, nous allons nous en occuper. Donc Maître Novakovic, voilà ce que nous a expliqué Alain, il va vous le redire au téléphone maintenant pour que vous compreniez bien. Oui, alors bonjour Maître Novakovic, donc je vous explique, on m'a livré un meuble il y a quelques heures de ça, j'avais demandé à ce qu'il soit livré au rez-de-chaussée, hein, parce que je trouve que le rez-de-chaussée, en plus on a refait la cage d'escalier, je ne sais pas si je vous en avais parlé, là on a un peintre qui est revenu, nous a coupé en bleu, on avait voté ça au syndic, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux en bleu. Donc il pose le colis, on est un lundi, hein, je travaille parce que les gens travaillent le lundi, hein, je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas le lundi, je travaille le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, je ne vois pas pourquoi il n'allait pas travailler le lundi. Il pose donc le meuble, c'était un jour où mon fils était là. Bon, rien de grave, une grippe 37,8 au début, puis c'est vite monté à 38-39 degrés. Donc j'avais dit à ma femme, on va aller voir SOS Médecin, quand même pour qu'un médecin... À peu près, Maître Novakovic, qu'en pensez-vous? Bah écoutez, j'en pense qu'effectivement, le vendeur est responsable de la livraison. Et bien sûr, la garantie légale de conformité doit être applicable. Donc, le professionnel doit fournir un produit non abîmé. Et en conséquence, le vendeur est tenu effectivement de cette garantie contractuelle et doit rembourser ce téléviseur ou alors le remplacer. C'est le souhait de notre auditeur, Julien. Merci. Et je vous le dis très clair dans mais bien sûr, bien sûr. Formidable. Et Alain, je vous taquine, mais attendez, c'est pour s'amuser tout ça, hein, parce qu'on va vous le régler, votre problème. Enfin, je l'espère. J'espère qu'ils vont nous répondre. Donc, vous me préparez tous les numéros. On appelle qui en premier? On appelle peut-être, avant d'appeler le transporteur, faut peut-être appeler quand même le site. C'est eux qui sont responsables de tout ça. On est d'accord, Maître Nanguic? Bien sûr, Monsieur Courbet. Vous préparez le numéro, s'il vous plaît. Nous appelons dans une seconde. Ah, la radio des vacances. Que l'on parte ou que l'on ne parte pas, et on pense à ceux qui ne partiront pas, croyez-moi. Et on espère qu'ils partiront le plus tôt possible, parce qu'il y a des gens qui, ne l'oublions pas, ne partent pas en vacances l'été, mais RTL est là, et on essaiera de se détendre. Il est 10h09, vous êtes sur la première radio de France, la radio de l'été. Allez, à tout de suite pour appeler pour le problème d'Alain. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. 4h30, 7h, RTL Matin. Tout savoir sur l'actualité, mieux comprendre les débats qui animent le pays, découvrir les tendances qui vont changer notre quotidien. Je vous retrouve tous les jours dès 4h30 avec la fine équipe et Marina pour les petits matins de RTL. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur, grâce notamment à notre bloc-notes quotidien pour bien démarrer la journée. Quel faillot, ça, Cyprien. Hey, merci. Il est gourmand. Il a raison. Rendez-vous demain de 4h30 à 7h. Sur RTL. Petit message Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois, profitez de 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance offerte sur des Peugeot suréquipés. Et comme c'est la première fois, eh bien on vous le dit une deuxième fois. La 208 Style suréquipée est à partir de 149€ par mois après un premier loyer de 2100€ avec 3 ans d'entretien incluant les pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerte. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. James Bond 007. L'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition. Actuellement à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Avec TF1 et RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons tout de suite le site où Alain a commandé son meuble de télé. Il galère depuis. C'est parti, s'il vous plaît, Bernard. Voilà. Aha. Bonjour et bienvenue sur Mobilier Nitro. Pour joindre le service commercial, composez le 1. Le service après-vente, composez le 2. Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais... Nous allons vous répondre. Chez Mobilier Nitro, je peux vous dire que les vendeurs, il faut les prendre vraiment dans l'allée parce que sinon... Oui, bonjour. Mobilier Nitro. Oui. Bonjour, monsieur Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Je suis avec un de vos clients, Alain Laugier, qui va vous parler d'ailleurs. Alors là, je suis très occupé, monsieur Courbet. Je peux pas vous répondre. Alors, je vous explique juste. Alain, il attend un téléviseur qu'il a commandé le 5 juin. Donc, si quand les gens... Pas un téléviseur. Un meuble de télévision. Il y a eu des soucis, donc c'est comme si le client vous appelait pour vous dire « j'ai rien reçu et j'ai payé », donc si vous lui dites « j'ai pas le temps », ça va pas donner envie de commander. Non, mais là, je suis désolé si monsieur Laugier veut me rappeler ou m'envoyer un mail. Donc là, vous pouvez rien faire pour lui. Comme ça a été cité lors de nos différents échanges par mail ou autre, oui. La décision a été donnée, je pourrais pas en reparler. Donc, qu'a décidé, monsieur Laugier, qu'a décidé Mobilier Nitro à Coquelières pour vous? Mobilier Nitro a décidé de ne rien faire en s'appuyant sur ses conditions générales de vente. Oui. Et en plus, ils disent qu'ils ne prennent pas en compte les problèmes liés à la manutention et au transport. Donc, si on commande, normal. Monsieur, juste pour savoir, si on commande chez Mobilier Nitro et qu'il y a un problème lors du transport, vous vous dédouanez derrière, c'est ça? Je sais pas, moi je suis pas habilité à vous répondre. Ah, alors est-ce qu'Olivier Corbière est là? Corbière. Monsieur Corbière, et non, il n'est pas là. Alors on va lui lancer un appel. Monsieur Corbière, monsieur Olivier Corbière, nous avons un employé de Mobilier Nitro qui n'est pas habilité à nous expliquer ce qui se passe quand un colis est cassé ou mal livré. Pouvez-vous, vous qui dirigez le groupe Clairemain, monsieur Corbière, bien vouloir nous rappeler, s'il vous plaît? Vous n'avez pas son numéro à tout hasard, monsieur? Non, je suis désolé sur ce. Je me doutais. Je vais devoir vous laisser. Je vous en prie. Mais avant de laisser, monsieur. Oh, je vous ne retiendrai rien. Mais allez-y quand même, ça vous fera bien. Monsieur, vous rappelez le droit, monsieur. Le droit, c'est que le vendeur est tenu, il est responsable des livraisons. Voilà, il vous a raccroché, très aimable. Il est mal élevé en plus, cet homme. Voilà. Heureusement que je ne l'ai pas en face. Non, heureusement, bien sûr, vous avez raison de dire heureusement. Heureusement pour lui. Alors, chez Mobilier Nitro. Espèce de lâche. Oh non, ne dites pas ça, il est là, le monsieur. Allô, Mobilier Nitro ? Allô, monsieur, il est de retour, monsieur ? Voilà, là, il a vraiment raccroché. C'est incroyable, hein, cette façon de parler. En plus, il y a quand même un client qui a payé. Donc là, on a un monsieur qui est un peu agacé, qui nous envoie paître. Mais je pense que, bon, c'était peut-être pas le bon interlocuteur. Donc, essayez de m'avoir, d'une manière ou d'une autre, le numéro de téléphone du groupe. Du groupe Clairemain et non du groupe Crémain. Clairemain. C-A-L-R-M-I-N. Et c'est monsieur Corbière qui, j'espère, lui, est un peu plus responsable que la personne que nous avons eue de chez Mobilier Nitro. Mais quand on vous lit, c'est ni trop vite ni trop tard. Hein. J'ai l'impression que c'est très particulier, Nitro. C'est Nitro qui s'érine, oui. Oh la vache. On a eu des accueils un peu de MERDE dans l'année, mais celui-ci fait partie du top 5. Yes. Mobilier Nitro. Mais vous l'avez trouvé où, ce site, Alain? Oh ben sur Internet. Hein, ma femme cherchait un meuble TV assez grand pour la télé et elle a trouvé un meuble qui lui plaisait. Donc Vraiment pas cher? Bah, il était à 394 €. Oui, mais est-ce que vous avez pu comparer avec d'autres sites, peut-être? Oui, c'était surtout la taille on a acheté une grande télé, là, il fallait un meuble assez grand, donc c'était surtout la taille qui nous importait. Bon. Et la couleur, bien sûr. Alors, on va se tourner vers le transporteur dans une seconde, sachant que c'est vrai que Mobilier Nitro a une responsabilité, mais j'aimerais bien avoir l'avis quand même de ce très grand transporteur, un national, un des plus gros. On va l'appeler dans une seconde, et puis on attend que Olivier Corbière du groupe Clairemain ou que quelqu'un de bonne humeur chez Mobilier Nitro, puisqu'on est tombé sur quelqu'un qui n'était pas... Départ, hein. Non, c'est pas vrai, il vous parle pas comme ça depuis le départ. Mais ceci étant dit... Par mail, si. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent par mail? Lisez-moi ou demain. La même chose, qu'ils sont pas responsables, etc. Donc ça tourne en boucle. Je leur ai dit que c'était du showroom, etc. Mais ça tourne en boucle. En général, bon, voilà, ils m'ont jamais rappelé. Hein. C'est toujours moi qui ai appelé. C'est incroyable. Conséquences des erreurs de l'ordre du transporteur. Bon, écoutez, c'est comme ça. Très commercial, c'est si pour vous ça qu'on est un petit peu le miroir de ce que vous vivez tous au quotidien. Sarah, vous avez du nouveau ou pas? Oui, Julien, avec monsieur Alain Hazard, nous avons trouvé le numéro du groupe Clairemain. Oh, nous sommes en train de le tester. Malheureusement, je tombe sur un répondeur. Faites-moi. On va quand même laisser un message. Le groupe Clairemain, donc, c'est un magasin de meubles qui doit avoir plusieurs meubles et qui se trouve à Coquelières. C'est dans le 81, rue du Lavoir. Alors, le groupe Clairemain, et apparemment, ce site fait partie du groupe Clairemain. Ah, allô? Alors, on attend, encore une fois, allez-y, Alain Hazard. C'est la même adresse que Mobilier Nitro. C'est la même, de rue du Lavoir, pareil. Ah, d'accord. Donc, en fait, quand on appelle le groupe Clairemain, on tombe aussi sur le site. Vous êtes sur la messagerie du 09. Oui. 14. Alors, on va laisser un message. 77. Veuillez laisser un message. Attends. Non. Une fois, je crois pas que ce soit le bon. Refaites le numéro. J'ai entendu un 14, oui, 09, 6. C'est le bon que vous avez fait? D'accord. Refaites-le au cas où. Et puis, vous essayez de m'avoir quelqu'un. Bon, allez, on va opération groupe Clairemain. De votre côté, Bernard Sabat. J'ai refait le numéro Mobilier Nitro et j'ai demandé le service commercial. Donc, j'ai attendu quelques secondes et je suis tombé sur qui? Votre ami, le service après-vente, qui est ami intime maintenant avec Novakovic. Il m'a dit, vous ne pourrez pas parler donc à monsieur Olivier Corbière. Bon, on va lui. On va va faire un Olivier Corbière-Ton. Il faut que ce monsieur... Moi, je ne peux pas ne pas insister. Vu l'accueil qu'on a eu avec Mobilier Nitro, il faut que le patron nous dise « Oui, c'est vraiment comme ça qu'on accueille les gens. » Ou alors « Non, monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. On est des gens sérieux. C'est pas comme ça qu'on accueille des gens. » C'est pour ça que j'insiste auprès d'Olivier Corbière. Le dialogue, on peut ne pas être d'accord, mais au moins s'exprimer. Ouais. On va se retrouver dans une seconde. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons un autre, peut-être un autre numéro. Je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Alain Hazard, prenez le micro. Je vous assure, depuis le temps que je vous le dis, vous allez voir les résultats que l'on obtient. Nom de notre gérant de cette société, c'est quand même un prénom à rallonge. Regardez bien, Julien, lisez. Oui, oh, il s'appelle Olivier Marie-Auguste Corbière. Ben, très bien, ben, c'est parfait ça, effectivement. Olivier Marie-Auguste. Olivier Marie-Auguste à table. Bon, bah, demandez à Françoise Jeannine Thérèse de vous rejoindre. Bon, nous sommes toujours avec Sonia Jennifer Sylvie Novakovic, avec Bernard, comment voulez-vous vous appeler? Bernard Marcel Maurice Sabat. Voilà, Bernard Marcel Maurice Sabat. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Alexandra sera là. Nous reviendrons sur le cas d'Alexandra qui nous a parlé, je vous le rappelle, d'une mise en demeure qu'elle avait réalisée. Elle avait gagné son procès, elle n'arrivait pas à toucher l'argent. Ça s'est passé hier et nous avons déjà des choses à vous dire dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Vous savez quoi? Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Belfort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord Belfort à la saveur ensoleillée du citron, si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde à la fraîcheur acidulée du citron, on obtient l'étonnante Belfort Radler. Une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste de fraîcheur. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Bah, Franck, qu'est-ce que tu fais? Je regarde le catalogue Carrefour au top de ma beauté. Il y a plein de super promos. Mais papa, c'est pas un truc de fille, ça? Mais pas du tout, tu vois, par exemple. Jusqu'au 11 juillet chez Carrefour, pour un pack de rasoir Extreme 3 de Wilkinson acheté, le deuxième est gratuit. Et ça tombe bien parce que c'est mes préférés. Fais voir un peu. Non, parce que j'ai pas encore fini. Jusqu'au 11 juillet, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Par exemple, pour un pack de rasoir Extreme 3 de Wilkinson acheté, le deuxième est gratuit. Par 8 ou par 10. Carrefour. Depuis dimanche, 15 000 joueurs du monde entier sont en compétition à Marseille, au parc Borély, et rêvent d'ajouter leur nom au prestigieux palmarès du mondial La Marseillaise à pétanque. Découvrez leurs exploits chaque jour dans les pages du journal La Marseillaise et sur www.mondialapétanque.com. Assistez gratuitement aux finales du mondial La Marseillaise à pétanque vendredi 8 juillet à partir de 10h et à la grande finale sur le Vieux-Port à partir de 20h30 avec RTL. Monsieur... Non, écoutez, là, il faut sortir du placard. Les clients suivants sont arrivés. Pitié, juste une nuit de plus. Il y a encore un super match sur beIN Sport ce soir. beIN Sport dans toutes les chambres équipées. Petit déjeuner complet pour 6,15€. Accueil personnalisé. B&B Hotel, venez pour le prix, restez pour tout le reste. Et dans toutes les chambres équipées, profitez du Wi-Fi haut débit gratuit et illimité. Voir conditions sur hotelbb.com. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Incroyable Céline Dion, hein. C'est chaud en ce moment, elle est à Bercy, c'est quand même fantastique. Et alors elle sait y faire, elle sait se mettre le public dans la poche. Céline, c'est une très grande professionnelle, elle a chanté le po po po po po po po pour célébrer la victoire de l'équipe de France en plein concert. Elle a fait ça entre deux chansons et notamment celle-ci a été chantée, ce petit chef-d'œuvre de Jean-Jacques Goldman. C'est la nouveauté Céline Dion avec ce Encore un soir sur RTL pour vous. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, un rire. ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser. Un baiser. Encore un chef-d'œuvre signé Jean-Jacques Goldman et sa complice Céline Dion. Et c'est sur RTL, bien sûr, avec encore un soir. Nous allons accueillir Alexandra sur l'antenne d'RTL. Alexandra, bonjour. Bonjour, monsieur Courbet. Alors, madame Alexandra, vous nous avez appelé hier. Oui. Et au départ, c'était juste une question. Comme il y avait nos amis de demandejustice.com qui sont là, quand on ne peut plus négocier, c'est eux qui font gratuitement pour nos auditeurs le procès auprès de la juridiction de proximité. Vous, vous aviez appelé en disant simplement demandez aux gens de demandejustice.com comment faire pour récupérer de l'argent, car je suis passé par eux, mais pas par RTL toute seule. J'ai gagné et je n'arrive pas à récupérer les sous. Du coup, on a dit on va les appeler, ces gens-là qui doivent des sous. C'est un opticien, alors pourquoi il vous doit des sous? On n'est même pas rentré dedans, puisque de toute façon ça a été jugé, donc ça n'est pas contestable. Il vous devait 291 euros. On a appelé. Et en même temps, j'ai fait la signification de l'acte chez un huissier. Oui. Non, mais tout avait été fait, mais ils ne payaient pas. C'est pour ça qu'on les a appelés hier. Et le magasin d'optique n'était pas très content qu'on les appelle. Ça, c'est souvent, alors que c'était simplement pour essayer de voir déjà si Alexandra avait bien tout fait ou ne disait pas de bêtises. Et depuis, ça a bougé, Bernard. Oui, Julien. Madame Aurel, qui est donc la responsable de ce magasin opticien Charon, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec elle à 10h ce matin. Le recommandé est parti avec le règlement de 371,80. Et si ce règlement n'a pas été payé, tout simplement, Madame Moiti, qui est la gérante de tous les magasins d'optique, avait fait la démarche auprès de l'huissier, et l'huissier lui avait dit « Madame, je m'occupe plus de ce dossier ». Voilà pourquoi la somme n'était pas, pour l'instant, réglée à ce jour. Bon, alors ça, c'est la première nouvelle. Vous allez recevoir votre chèque, Alexandra. Ben, je vous remercie beaucoup. Eh bien, de rien, je vous souhaite une belle journée, un bon été, Alexandra. Merci, vous aussi. Au revoir. Et merci à cette Madame Moati, merci à Optique Charon. Voilà, ce sont des pros, c'est pour ça qu'on veut parler. Je vous assure, on n'est vraiment pas là pour embêter les gens. C'était simplement essayer de comprendre. Et elle nous aurait expliqué, cette dame hier, que l'huissier avait dit « je ne veux pas », on réglait le problème. Donc, merci à eux, ce sont des pros. Et je remercie donc l'Optique Charon, rue Pierre Charon, où j'irai me faire faire mes quadruples foyers, puisque pour l'instant, j'en étais au double. L'opticien a commencé à me dire « attention, mon ophtalmo, on va pas tarder à passer au triple, mais envisager les quadruples dans peu de temps ». Voilà. Quand elle dit « voilà », ça veut dire « allez, c'est bon ». Ça veut dire « c'est bon, stop, j'en ai trop entendu maintenant ». Et simplement, l'huissier, en fait, c'est pas qu'il a pas voulu, c'est qu'en fait, il était missionné pour signifier l'acte, pas pour exécuter. Je pense que c'est pour ça qu'il Mais je suis allé pour le... l'exécuter, mais il a dit les frais sont trop grandes. Vous avez été exécuté, huissier. D'accord. Je suis allé là-bas pour l'exécuter, mais il n'était pas là. Donc c'est Alexandra, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Au revoir. C'était Alexandra, la tueuse d'huissier. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On va continuer. C'est RTL, c'est dans la bonne humeur, c'est comme ça tous les matins. C'est toujours pareil. J'écoute RTL depuis 1982. Ouh la vache. D'accord. Fantastique. Merci beaucoup, Alexandra. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, nous allons enchaîner, mais auparavant, j'aimerais que l'on réécoute ce voilà. Parce qu'il y a des voilà dans la vie qui peuvent faire très mal, donc j'essayais d'être chaleureux, de faire des blagues, d'amuser le public, de les détendre un petit peu. Maître Novakovic me regardait avec des yeux de merlan frit. Quand j'eus fini ma blague et mon petit sketch, elle a déclaré un solennel voilà. Bon, voilà. Et ce voilà redit long. Écrase Maurice. Ça veut dire maintenant, ça y est, tais-toi et essayons de dire des choses sérieuses. Donc je demande à ce qu'il soit rentré dans l'ordinateur et de temps en temps, à chaque fois que quelqu'un sera un peu long ou ennuyeux, on lancera le voilà de Maître Novakovic. Ouais, ça marche même plus votre voilà, il est. Bah, il marche plus, voilà. Vous voyez, en plus, même, vous avez même réussi à casser sans rien faire l'ordinateur. On se retrouve dans une seconde. Alors, là, écoutez-le. Voilà. Voilà. Eric sera là. Eric, voilà ce qu'il nous a dit sur l'antenne d'RTL. J'ai commandé une chambre sur un site. Quand on me livre, je m'aperçois que cette chambre n'est pas complète. Depuis mai, le site doit me rembourser 1 341 €. Mais rien n'arrive. On lui a livré une chambre et il manque des accessoires. Hein, notamment, il avait commandé donc sommier, matelas, tout ce qui va avec. Et il avait aussi commandé une femme de 25 ans, avec une belle poitrine, plutôt très sexy. Alors, visiblement, elle n'était pas dans la commande. Alors, il n'est pas content, Eric, et il veut que ce soit livré. A tout de suite sur RTL. Et si on parlait Renault Service ? Ah, l'addition. Claire, ça t'ennuie si on partage ? Je dois remplacer mon pare-brise et du coup, ce mois-ci, ça va être un peu difficile. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, mais chez Renault Service, la franchise est offerte pour le remplacement du pare-brise. Vous savez bien que vous ne paierez rien. Ah, super. Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Géant. Géant prend toujours soin de votre pouvoir d'achat et vous propose une offre exclusive sur la crème glacée vanille de Madagascar Carte d'Or en format spécial de 650 grammes. Le deuxième bac est à moins 50%, soit par deux, le bac de Carte d'Or à 2,81€ au lieu de 3,75€. Géant pour les gourmands, non ? Les prix bas, c'est Géant. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous allons faire un point info parce qu'il y a encore des cas où on n'a pas tout donné et il faut reprendre maintenant. Ça paraît un peu confus, mais c'est la vie. Hein. Quand on fait plusieurs cas en même temps, ça va, ça vient. Un petit point info si vous le voulez bien. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Tout a commencé tout à l'heure à 9h30 avec l'histoire de Frédéric. À cause d'une fuite de gaz, j'ai dû relaver tous les vêtements de mon pressing. On me doit plus de 1 300 €. Cela fait plus de 3 mois, mais personne ne sait où est parti l'argent. Heureusement, Bernard Sabat a trouvé Zi interlocutrice chez MMA. Oui, Madame Brault a pris les choses en main de la MMA au siège et donc va relancer pour obtenir le chèque de GRDF. Deuxième cas, celui d'Alain. J'ai commandé un meuble télé sur Internet. J'habite au deuxième étage et on me l'a livré au rez-de-chaussée. Et par-dessus le marché, donc ce mobile est arrivé cassé en plusieurs morceaux. Alors là, c'était un grand moment. On a appelé Mobilier Nitro. On a appelé un monsieur qui n'avait pas du tout envie de nous parler visiblement. Donc il nous a un peu basé. Il faut dire les choses comme elles sont. Le Mobilier Nitro, 2 rue du Lavoir à Cocalière, fait partie du groupe Clarmin. Le groupe Clarmin, c'est le même numéro que le site quand on appelle. Mm-hmm. Donc on a toujours en tête d'avoir monsieur Olivier Corbière qui nous explique ce qui se passe avec Mobilier Nitro parce qu'ils ont vraiment pas été sympas avec nous. Mais appelons maintenant le transporteur pour savoir quelle est leur version des faits puisque je rappelle que le meuble de télévision est arrivé en petits morceaux. C'est parti, nous appelons tout de suite. Alors on est chez un mastodonte. Géodis, c'est vraiment... Je sais pas s'ils sont leaders, mais c'est énorme, énorme. Quand vous allez sur l'autoroute, quelle que soit la direction, vous avez toujours un entrepôt Géodis. Ils sont partout. La progression de vos colis et d'être informé de leur livraison. Mais s'ils sont bien assurés, on pourrait peut-être leur demander de... Non mais j'aimerais avoir leur version des faits. D'un côté, il y a Mobilier Nitro qui passe par eux pour livrer un meuble. Le meuble arrive en morceaux. Ils disent, nous, on peut rien pour vous. Alors voyons si Géodis a la même version des faits. Vous avez appelé Alain quand vous êtes aperçu tout de suite que le meuble était cassé, Géodis ou Nitro ? Oui. Non, j'ai appelé d'abord Nitro. J'ai appelé Géodis en fin de compte le 14 juin. D'accord. Ça marche. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, Géodis ? Bah, que c'était, Mobilier Nitro qui était responsable de la livraison et c'était à eux d'assurer. Bah, voilà, voyons. Mobilier Nitro, donc, est responsable. Pour Mobilier Nitro, c'est Géodis. Pour Géodis, c'est Mobilier Nitro. On va voir. Allô ? Ah, ça sonne quand même. Géodis. Je vais faire Johnny, tiens. Ça change un peu. Écoutez, c'est l'été, voilà. On peut parler en Johnny. Mais il faudrait qu'il réponde. Il n'y a rien de pire que d'annoncer je vais faire quelque chose et personne ne répond. Alors, Ça, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Voilà. Voilà. Je rappelle que quand quelqu'un... Bon, appelons un chat, hein, on ne sait jamais rien cacher. Dorénavant, quand quelqu'un discute et qu'il vous gonfle, vous le faites... Voilà. Comme Maître Dankovic. Ils ne répondent pas donc chez Géodis. Bon, eh bien, c'est à Levallois-Perret. S'ils le font, on fera un duplex. Nous sommes là jusqu'à vendredi. Laissez sonner et dès que quelqu'un répond, vous me le passez. Oui, Sarah. Il y a encore une chance, Julien, pour votre blague, puisque là, on a appelé Toulon. On peut appeler justement Levallois-Perret. Ah, le siège, d'accord. Ah oui, parce que là, c'est le à oui, Toulon. Ça, c'est quand même incroyable qu'à Toulon, l'entrepôt Géodis, le siège Géodis ne réponde pas. C'est, je vous assure, c'est énorme, Géodis. Bon, alors trouvez-moi un interlocuteur. C'est ce qu'on va faire. Vous allez me trouver un interlocuteur, un responsable oui. au siège. Vous lui expliquez tout, que j'ai pas réexpliqué une troisième fois aux auditeurs et je vous prends sur l'antenne d'RTL. J'ai envie, mesdames et messieurs, je vous le dis, de danser. Et nous allons maintenant danser dans les années 80, 1985. Car si nous mettons toutes les nouveautés qui existent sur le marché, sur l'antenne d'RTL, de temps en temps, on s'offre un petit plaisir. Et ce petit plaisir, c'est celui-ci. En espérant que cette musique soit celle qui va rythmer votre été, que vous passerez un très bel été. Certains auront la chance de partir en vacances, d'autres non, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours un peu de soleil dans votre radio. Elle s'appelle RTL, elle ne laisse jamais tomber ses auditeurs. Merci d'être là. Elle est excitante. On dirait un poissonnier à l'étal. Elle est fraîche, elle est excitante, c'est Madorette. Mais non, c'est Cool and the Gang sur l'antenne d'RTL. Dans une semaine, jour pour jour, mardi prochain, 21h sur D8, il y aura le numéro 2 de l'émission Faut pas abuser, où l'on règle les problèmes et les arnaques, mais avec des stars qui téléphonent à mes côtés. Ne manquez pas ce deuxième numéro dans une semaine. Et un coucou à nos amis de Plan de la Tour, 27 juillet, où je ferai le One Man Show avec RTL. Dans une seconde, on reprend. Bernard, ça avance, dites-moi un mot. Julien, je suis avec une dame qui récupère les informations de Géodis. C'est un groupe très important, vous avez raison, plus de 1000 collaborateurs partout. Vous êtes à Géodis Toulon toujours ou au siège ? Non, au siège carrément, à Levallois-Perret. Nous en allons en savoir plus dans une seconde. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-site.fr. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est le canicule ici. La canicule. Non, ici chez Lidl, c'est le canicule. Dès demain, le rosé canicule 20 France 2015 est à 3,69€ la bouteille de 75 centilitres. Et c'est le vin du mois. 3,69€ le rosé canicule. Le rosé du chat de Philippe Gueluc. Je sens que je vais avoir un coup de chaud, moi. Ça tombe bien, il se boit frais avec des glaçons. Ouais, on est mal. Hein. Très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,92€ le litre, 11 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et si on parlait Renault Service? Ah, l'addition. Claire, ça t'ennuie si on partage? Je dois remplacer mon pare-brise et du coup ce mois-ci ça va être un peu difficile. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé, mais chez Renault Service, la franchise est offerte pour le remplacement du pare-brise. Vous savez bien que vous ne paierez rien. Ah, super. Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. J'ai perdu 12 kilos avec Comme J'aime. 12 kilos, c'est l'équivalent de 12 bouteilles de lait. Vous imaginez, avant, c'était comme si je portais en permanence toutes ces bouteilles. Pour marcher, monter les escaliers, j'étais toujours épuisée. Avec Comme J'aime, je me suis enfin débarrassée de ces 12 kilos et je me sens légère. Comme J'aime, ce sont de vrais repas bien équilibrés, livrés à domicile. Ça marche, on perd ses kilos. Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit. En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante. 0800 507 507, un mois gratuit. Appel gratuit depuis un fixe. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le point donc sur le cas d'Alain, voilà ce qu'Alain nous a dit sur l'antenne d'RTL dans le 9h30-11h. J'ai commandé un meuble télé sur Internet. J'habite au deuxième étage et on me l'a livré au rez-de-chaussée. Et par-dessus le marché, donc ce mobile est arrivé cassé en plusieurs morceaux. Aujourd'hui, mobilier Nitro, rue du Lavoir, à Coquelières, dit « Ce n'est pas de notre responsabilité, voyez, avec le transporteur ». On invite M. Olivier Corbière du groupe Clermain, décidément le gloop, je l'aurais fait toute la matinée, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Je n'arrive pas à dire « groupe », je dis « gloop ». Donc je transforme les lettres, je ne sais pas. Bref, et s'il pouvait nous rappeler, ça serait formidable. Et nous avons appelé le transporteur pour avoir leur version des faits. Nous avons appelé à Toulon, Géodis, énorme groupe, et à Toulon, personne ne répondait, donc j'ai demandé à ce qu'on trouve quelqu'un au siège. Oui, Julien, je suis avec le service logistique, qui est en train de vérifier toutes les informations au niveau informatique, avec des numéros de référence. Et puis, aucune nouvelle de Nitro pour l'instant, j'espère vraiment que M. Corbière va nous rappeler, on reprendra ça au mois de septembre, parce qu'on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser des gens commander de la marchandise, Maître Novakovic, elle arrive cassée, il a tout de suite appelé pour prévenir. D'ailleurs, le conseil qu'il faut absolument donner, appeler, c'est bien, prendre des photos, c'est mieux, et envoyer un mail immédiatement. Un mail que des écrits. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Les photographies, il les a prises, mais également l'être commandé et puis dans la foulée, saisir le juge de proximité. Parce qu'à un moment donné, c'est bien sûr de tenter l'amiable, mais à un moment donné, il faut absolument d'ailleurs, agir. Alain sera peut-être entre les mains de demandejustice.com qui s'occupera de tout gratuitement et c'est quasiment gagné d'avance, Alain, si vous avez toutes les preuves. Donc il y a juste qu'il va falloir patienter quelques semaines. C'est dommage parce que hier, on a eu la preuve que tous ceux qui sont passés par demander justice ont tous gagné. Au lieu de trouver un accord tout de suite, si les gens préfèrent aller au tribunal, c'est leur problème. Enchaînons maintenant. 10h41, vous écoutez le 9h30, 11h et nous allons maintenant attaquer, et mettez-moi une musique américaine, une musique de film, un énorme cas traité cette année et nous allons essayer d'avancer sur ce cas. C'est Eric. Eric est chauffeur de taxi et vous savez qu'ici nous aimons les chauffeurs de taxi qui nous écoutent, nombreux dans leur voiture, nous les embrassons. Il a acheté la Mercos, une Mercedes, 82 900 €. Parce qu'il voulait une belle voiture et il sait que ça impressionne toujours le client de monter dans une Mercedes. Il a eu sa livraison le 12 décembre. Tout fonctionne parfaitement. Seulement 3 mois plus tard, la voiture se bloque en 5e. Elle n'avance plus. Il l'emmène immédiatement chez le vendeur. Une fois récupérée, le même problème recommence 1 mois plus tard. Et malgré la réparation, la panne persiste. Ça fait 6 fois maintenant qu'il l'a fait réparer pour une voiture neuve à 82 000 euros. Il perd du chiffre d'affaires puisqu'il est taxi et il dit surtout « c'est mon outil de travail, mais à quoi ça sert d'acheter du neuf si on est incapable de me le réparer si ça tombe en panne tout de suite ?» Voilà ce qui s'était passé. Eric est sur l'antenne d'RTL. Bonjour Eric. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Nous avons eu plusieurs intervenants chez cette belle et grande marque qu'est Mercedes et nous sommes en ligne avec Séverine Berthoud, responsable communication. Madame Berthoud, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc déjà, Madame Berthoud, est-ce que on est d'accord sur le fait où il exagère, Eric, que malheureusement, dans les jours qui ont suivi l'achat de la voiture neuve, 6 fois il a dû retourner là-bas la faire réparer. Alors, pour être honnête, je n'ai pas comptabilisé exactement avec le site le nombre de fois où il y est allé. En revanche, je sais qu'il y est allé un certain nombre de fois et que malheureusement, en aucun cas, à aucun moment, que ce soit par des contrôles électroniques ou par des essais qui ont pu être effectués par divers techniciens sur le véhicule, nous n'avons pu identifier le phénomène qui a été rapporté par le client. Donc c'est vrai qu'à aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes bien en peine de pouvoir apporter une réparation puisque nous n'identifions pas de soucis sur le véhicule. D'accord. Si vous voulez, pour nous aujourd'hui, le véhicule est conforme. Donc c'est la raison pour laquelle le distributeur, est sur les recommandations également de notre direction technique, a proposé donc à Eric de faire un essai avec un technicien avec lui dans la voiture pour essayer de reproduire ses conditions habituelles de trajet, pour essayer de reproduire véritablement le phénomène, puisque tant qu'on ne peut pas l'identifier, malheureusement, on ne peut pas le traiter. Bien, alors Eric, ce qui veut dire quoi? Que là, tant que vous n'aurez pas constaté la panne, vous ne pourrez rien faire. Oui, clairement. Aujourd'hui, si vous voulez, pour nous, à date, le véhicule est conforme. D'accord, pour vous, il marche. Bon, Eric, vous avez entendu? Oui, j'ai très bien entendu. Alors, mais donc, les pièces qui ont été changées et l'essai que les mécaniciens ont fait avec moi dans le véhicule, ils ont bien constaté les pannes, donc je les invente. Parce que... Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Effectivement, monsieur, je vous confirme qu'il y a eu un problème et qui, moi, pour moi, était un autre souci, qui était un problème de puissance du moteur que vous avez rapporté. Et effectivement, le défaut a été constaté par un technicien. Madame, il y a eu une réparation. Puis-je ouvrir une parenthèse? Juste, mais ne voyez pas du mauvais esprit. On a un débat contradictoire. On est en démocratie. Chacun peut s'exprimer librement et on essaie de faire avancer le Schmidbeek. Une marque comme Mercedes, quand on rentre dans une concession, qu'on fait un chèque de 82 000 euros, déjà, est-ce que vous trouvez normal qu'avec aussi peu de kilomètres, aussi rapidement, il y a déjà de la perte de puissance et qu'après le client se plaigne? Est-ce que vous vous rendez compte, quoi, qu'il a acheté neuf chez vous, il vous a fait confiance et vous admettez qu'il y avait déjà un problème sur cette voiture neuve dès le départ? Au bout de combien de kilomètres, Eric, il y a eu les pertes de puissance? La première perte de puissance, au bout de, je vais vous dire, le 16 mars 2016, au kilométrage 26 000. À 26 000 kilomètres pour une voiture de 82 000 kilomètres, vous reconnaissez qu'il y avait déjà une perte de puissance. Donc si on part du principe que c'est rare ici, madame, c'est ce que vous allez me dire, et je vous l'accorde, c'est qu'il y a bien un problème sur cette voiture. Ce n'est pas vrai. Soit vous me dites, les Mercedes peuvent perdre de la puissance au bout de 26 000 kilomètres, et là ça fait réfléchir tout le monde, soit vous me dites, il y a une voiture qui passe au travers, et auquel cas, si on part du principe qu'à 26 000 elle a une perte de puissance, on peut imaginer que derrière, il y a plein d'ennuis sur cette voiture-là. Il y a eu un problème sur la chaîne, comme il y en a pour toutes les marques. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je raisonne personnellement, Maître Novakovic. Oui, tout à fait. Bonjour, dame. Sachant qu'en plus, le défaut, donc l'achat date du 12 décembre, la livraison, et le défaut a commencé en mars, avec des réparations. Donc, on est vraiment dans le défaut de conformité. On ne parle même pas du vice caché pour l'instant, puisqu'on était dans le défaut de conformité au sens légal. Donc, au nom de ce défaut de conformité, si vous ne parvenez pas à réparer, à ce moment-là, vous devez remplacer. Non. C'est la loi. Alors, madame, elle dit, moi, je n'ai pas constaté le deuxième défaut, donc je ne peux rien faire. Elle dit juste, c'est vrai qu'il y a eu de la perte de puissance au bout de 26 000. Non, mais ça, ils l'ont. Elle dit, on l'a réparé, ça. Pardon, mais ça peut, effectivement, il peut y avoir un défaut parfois sur un véhicule. Le défaut a été effectivement constaté par le technicien, le débitmètre d'air a été changé et le défaut de puissance moteur a été résolu. Mais enfin, techniquement, ça peut être deux choses complètement différentes. Et je peux intervenir? Oui, je vous écoute. Bien sûr. Sauf que, le débitmètre d'air a été changé, que 15 jours après, je crois, faut que je regarde exactement, 15 jours après, je suis retombé en panne, on a changé le papillon d'air. La première fois qu'elle est tombée en panne, on a reflashé la boîte de vitesse. La boîte de vitesse? Oui, ils ont flashé la boîte de vitesse, c'est-à-dire qu'ils l'ont reprogrammée. Ah, flashé. Ils appellent ça flashé. Donc je suis retombé en panne. Là, on ne m'a pas fait d'OR parce que je suis arrivé en furie dans le garage. On m'a pris tout de suite et on m'a dit qu'il y avait un câble qui était mal connecté parce qu'il était trop court. On sort de son logement pour le faire passer ailleurs. Alors que si un câble doit passer à gauche, il ne doit pas passer à droite, hein, pour qu'il soit moins court. Je retombe en panne. La voiture reste quasiment un mois à Stein, à la plateforme technique de Mercedes, qui trouve rien. On me passe pas un coup de fil. Qu'a peut-être recommandé, personne ne me répond. J'ai eu un procès avec Mercedes il y a 6 ans que j'ai gagné en procès et en appel. D'accord? Ils m'ont fait traîner pendant deux ans. Excusez-moi, madame. Non, excusez-moi. Je termine. Ils m'ont fait traîner pendant 2 ans à me changer des pièces sur une voiture, une 320 CDI que j'avais achetée à Rueil-Malmaison à l'époque. On m'a changé les pièces. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui va se passer après la garantie? On m'a répondu, monsieur, vu le dossier que vous avez, vous inquiétez pas, après la garantie, ça sera encore pris en charge. Eric, c'était quoi le premier procès? À cause de... Pourquoi vous aviez attaqué Mercedes? Bah, parce que la voiture fumait, j'avais des à-coups dans la boîte de vitesse. Donc, après la guerre, on m'a changé pour à peu près 40 000 euros de pièces en garantie dessus. Bon. Au bout des 2 ans de garantie, ma boîte de vitesse pète. Ils voulaient pas me la rembourser. Donc, j'ai payé dans les 7 000 euros un échange standard. 15 jours après, la voiture en tombe en panne. On me dit, voilà, okay. Vos clés, monsieur. Démerdez-vous. Merci. Au revoir. Eric. Bon, voilà, madame. Alors. Maintenant, on va en rester là, hein, si vous le souhaitez, madame. Et je trouve que ce monsieur, quand même, il est revenu racheter chez vous. Il doit vous, aujourd'hui, il doit vous réattaquer une deuxième fois. Alors non, je voudrais juste quand même préciser quelque chose puisque j'ai fait le point avec ma direction juridique et enfin si je peux me permettre, il a été débouté en appel, le jugement était en notre faveur au final. Oui, pour Mercedes France. Pour Mercedes, le garage de la Marinière, ils ont perdu le procès. Tout ce que Mercedes France aurait dû prendre, c'est le garage de la Marinière qui l'a supporté. Mais Mercedes a dû payer quand même, hein, madame. Vous avez compris. Lui, il a attaqué Mercedes France. Oui, j'entends. Voilà. Donc Mercedes a été condamné à payer combien, mon cher Eric? Eh ben, ils ont payé en totalité, j'ai plus le chiffre en tête, il y a déjà 26 000 euros de changement de moteur. Voilà, c'est marqué ici. Voilà. Alors, attendez, voilà, je lis, par ces motifs, statuant publiquement par jugement prononcé, déclare Monsieur Rigage recevable et partiellement fondé, faisant droit dans cette mesure, condamne solidairement la société Mercedes-Benz France et la SAS GRSE. Donc Mercedes-Benz France a été condamnée visiblement, madame. C'est en première instance, d'accord. Il y a eu un appel. Enfin, rentrons pas là-dedans. Dites-moi juste quel est le mot de la fin pour vous, Mercedes. Et après, ce monsieur va devoir prendre la décision de réattaquer donc une deuxième fois. Eric, je suis désolé parce qu'on peut, il n'aura pas le choix. Quel est le mot de la fin de Mercedes? Mais pour moi, si vous voulez, maintenant, je pense que monsieur doit retourner voir le site de Montrouge, avec lequel, de ce que j'ai compris, le dialogue n'est absolument pas rompu, pour au moins faire cet essai technique. On a vraiment besoin d'essayer d'identifier le problème, puisque malheureusement, à date aujourd'hui. D'accord, vous ne l'avez pas identifié. Eric, ça l'a fait quand? Eric, écoutez-moi, comme on a plus de temps, Eric, quand est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu une panne en ce moment ou pas? Ah, ben je ne sais pas, ça fait un mois qu'ils l'ont, la voiture. Mais ils l'ont, madame. Pourquoi voulez-vous qu'ils retournent là-bas, alors, puisqu'ils l'ont? Ils m'ont dit qu'ils essayaient la voiture tous les jours, qu'il y avait un chef d'atelier qui partait, madame, avec elle tous les jours. Eric, j'ai bien compris. Et madame, elle est là-bas, la voiture. Pourquoi voulez-vous qu'il y retourne, alors? Non, ils sont pas au courant. Madame, Eric, soyez sympa. Laissez parler cette dame. Oui. Pour essayer le véhicule directement avec le client dans ses conditions habituelles de conduite. Puisque, si vous voulez, nous, il y a déjà eu un certain nombre de centaines de kilomètres qui ont été faits avec la voiture. Compris. Et on a vraiment besoin d'essayer Ils ont fait 250 kilomètres. Eric, soit vous avez le temps de faire ça, Eric. Je pense qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas faire perdre de temps à cette dame. Voilà. Je vois mal comment vous allez vous sortir de ça à un moment donné. Je suis dénavré de vous le dire, c'est l'assignation. Et c'est comme ça que ça va bouger. Parce que sinon. Et vous allez pouvoir plaider le fait qu'elle est en panne depuis que vous l'avez acheté. L'expertise judiciaire contradictoire, c'est le seul moyen. On se retrouve dans une seconde. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Les promos ne restent pas sur le banc de touche chez Intermarché. Pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles d'un litre 5 d'eau minérale naturelle Contrex à 2,70€, le deuxième est gratuit. Oui, le deuxième est gratuit, mais c'est seulement jusqu'au 10 juillet. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 9 litres, 30 centimes le litre. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bien. Oh, Eric, encore une fois, on va conclure parce que là, on tourne en rond. Mercedes veut constater quelque chose qu'il n'arrive pas à constater que vous soyez là. Soit vous avez du temps à perdre et vous le faites. Moi, ce que je dis, mais de l'extérieur, c'est qu'effectivement, cette voiture neuve, elle a une perte de puissance à 20 000 km ou à 30 000, ce qui n'est pas du tout normal pour une voiture de ce prix-là et de cette fiabilité-là. Donc, c'est qu'il y a un petit souci sur cette voiture. Donc, lancez la procédure et Eric, ça prendra du temps et puis vous gagnerez à la fin. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, visiblement. Je suis désolé, Eric, on aura tout essayé. Non, c'est tout ce que vous avez fait et je vous remercie énormément. Sachez que Mercedes. À moi qui me fournisse un technicien pendant plusieurs jours, jour et nuit, quand je travaille, pour tester la voiture, parce qu'elle peut tomber en panne au bout de 50, comme elle tombera en panne au bout de 1000 km. Bon, là, je suis en route, je ne te cache pas. J'ai appelé mon avocat ce matin, il m'a demandé le dossier, il envoie un huissier pour s'en aller changer de véhicule ou de le rembourser. Ou de le rembourser sous 8 jours. Ça marche, Eric, et vous me tenez au courant. On reprend ce dossier dès qu'on rentre. Sarah va vous appeler cet après-midi. Merci, Eric. D'accord, merci. Je vous remercie et remercie toute l'équipe. Je vous en prie. Bonne journée. Allez, il y a une alerte, Bernard. Oui, sur le cas de Alain. Vous savez, son meuble mobilier nitro acheté sur Internet qui a été livré cassé avec Géodis. J'ai eu la direction de Géodis. Ils m'ont fait la proposition suivante, Julien. D'appeler cet après-midi carrément notre auditeur, Alain Augier, et de vérifier avec lui tous les éléments par rapport à Géodis Toulon. Et je pense qu'ils vont faire bouger les choses ou auprès de Mobilier Nitro ou bien carrément de faire jouer leur assurance. Ils sont très pro, Julien. Mais Géodis, c'est un groupe énorme. C'est pour ça, encore une fois, souvent, quand on a des énormes enseignes, il y a des résultats derrière parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne sont pas toujours au courant. Moi, je suis en ce moment en conflit avec une grosse société où la direction n'est pas au courant de ce qui se passe et je les ai informés. Du coup, voilà, ça bouge tout de suite parce que dans ces sociétés-là, on veut que ça marche. Mais quand vous avez 1000, 2000 employés, l'information ne remonte pas. Mais c'est par Géodis qu'on aura la solution. Exactement. Parce que vu la façon dont on traite le client chez Nitro, je vois mal comment on peut avoir une solution de la part de... Alors j'attends que Monsieur Corbière nous appelle pour nous dire, voilà, il y a eu un raté. Mais pour l'instant, personne ne nous rappelle. Si ça se trouve, c'était peut-être lui qui était au téléphone. Nous n'en savons rien. Mais c'est une possibilité. En tout cas, c'est bien dommage. Il faut envisager. Il faut envisager aussi que les frérots de la Vega passeront l'été avec vous. Bel été, RTL. Vous écoutez le 9h30-11h. Merci de nous être fidèles. Le cœur éléphant, frérot de la Vega. Je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Pars en voyage, mon âme. Les frérots de la Vega. sur RTL. Il y a une bonne nouvelle et pas n'importe laquelle. Un péplum de l'année, puisque cette semaine, c'est la dernière de la saison. On redémarre fin août sur RTL. Mais là, c'était un gros dossier. Est-ce qu'il est en ligne avec nous, notre auditeur, Fabien ? Oui. Alors, Fabien, je rappelle ce que vous nous aviez annoncé sur l'antenne d'RTL. Je suis auto-entrepreneur et j'ai été embauché par un confrère pour réaliser des travaux. Non seulement il a mis beaucoup de temps à régler plusieurs interventions, mais là, il me doit encore 3780 euros. Donc une société... Son excuse, c'est qu'il n'aurait pas les moyens de me payer. Une société fait travailler Fabien et cette société est elle-même mandatée par le ministère, je crois, le ministère des Armées, quelque chose comme ça. Hein. C'est pas n'importe quoi. Et personne ne le payait. Que s'est-il passé depuis, Fabien, puisqu'on a appelé tout le monde ? On a appelé Easy Bâtiment. On s'est mis d'accord sur une certaine somme qui était de 2000 euros. Ouais. Et j'ai bien reçu mon chèque. Eh bien, c'est super. Vous êtes content ? Ah, bah, c'est super. Je vous remercie tous. Voilà. Bon été à vous. Merci. Merci à vous. Eh bien voilà, il suffit d'appeler RTL et puis nous tentons, nous nous battons, nous ne lâchons rien. Pendant les directs, l'après-midi, vous faites le 32-10 tout au long de l'été ou le Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou encore Twitter, @CPVA. C'est bien quand les cas sont résolus. Ça nous met de bonne humeur et vous aussi, Maître Novakovic. Ça la rend heureuse. Et rendre Maître Novakovic heureuse, croyez-moi, ce n'est pas chose facile. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Je vous donne rendez-vous sur France 2 pour une nouvelle saison inédite de Secrets d'Histoire, chaque mardi soir. Cette semaine, Stéphane Bern vous dévoile le fabuleux destin de l'un des patriotes les plus marquants de la Révolution française, Georges Danton. Stéphane Bern suit les traces de ce tribun exceptionnel, amoureux de la vie, des femmes et des plaisirs. Alors, rendez-vous ce soir à 20h55 sur France 2 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Avec RTL. Carrefour Market. J'adore mon travail, mais le moment que je préfère, ça reste la pause café. Ça tombe bien, Michel. Jusqu'au 17 juillet chez Market, avec ma formule gagnante, vous économisez dès le premier achat sur une sélection de produits de marque. Comme le café ? Absolument. Par exemple, pour un lot de café moulu velours noir acheté, c'est 30% de remise immédiate, pour 2, 40% et pour 3, 50%. Alors vous venez, on se fait une petite pause. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 4 fois 250 grammes, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Merci Maître Novakovic. Merci Julien. Elle tous. Était très en forme ce matin parce qu'elle a pris son peut-être petite tasse de café moulu. C'est comme ça qu'elle est. Pas moulu du tout. Merci Bernard Sabat. Oui moulu. Merci. Dis donc, finissons quand même assez sérieusement. Merci à toutes les équipes. Vous avez choisi RTL, ça c'est bien. Vous continuez. Demain matin, nous serons là jusqu'à vendredi. Nous allons vous aider sur l'émission la plus écoutée de France sur votre radio préférée RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 11h. L'information sur RTL, c'est de nouveau avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui en France contre la loi travail. Un cortège partira tout à l'heure à 14h de la place d'Italie en direction de la place de la Bastille à Paris. La loi El Khomri est de retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour une ultime lecture avant adoption définitive. Le Premier ministre Manuel Valls va utiliser l'article 49.3 dès aujourd'hui. C'est une information à RTL. Ça n'est pas la peine de perdre encore du temps, confie le Premier ministre. L'examen du texte doit débuter dès 15h à l'Assemblée. François Hollande et Emmanuel Valls ont prévenu qu'ils défendront jusqu'au bout ce texte. Eh bien, c'est d'ailleurs l'objet de la question de RTL Midi. Manuel Valls a-t-il raison de réutiliser l'article 49.3 ? Vous pouvez voter dès à présent sur RTL.fr et vous pourrez prendre la parole en appelant le 3210. Après le drame du 13 novembre et les questions, enfin des réponses, la commission d'enquête parlementaire sur les attentats vient de rendre ses conclusions et elles sont riches d'enseignements. Le rapport pointe de nombreux dysfonctionnements, notamment concernant des manques pendant l'intervention des forces de l'ordre le soir des attaques. Le rapporteur prône notamment la refonte des services de renseignement autour d'une agence nationale. Il n'y a pas eu de gros ratés dans la gestion des attentats, mais la France n'était pas prête à affronter des attaques djihadistes de cette ampleur, précise le rapporteur. Par ailleurs, la commission juge que l'état d'urgence a une portée limitée. et l'opération Sentinelle n'a pas prouvé son efficacité aux yeux des députés. Des cris de joie, des pleurs aussi. Les résultats du baccalauréat ont été publiés aujourd'hui. Près de 700 000 lycéens les attendaient avec impatience. Il y a les ravis, les déçus et ceux qui sont au rattrapage. Rattrapage qui vont commencer dès demain. Pour l'Académie de Bordeaux, il faudra attendre 18 heures ce soir pour la publication des résultats définitifs. Un bac avec généralement un fort taux de réussite. Près de 9 élèves sur 10 l'ont obtenu l'année dernière. Attention, si vous prenez l'avion avec la compagnie Vueling, c'est une nouvelle journée compliquée pour ses clients. Au total, 64 vols ont été annulés aujourd'hui. La plupart au départ ou à destination d'Orly, Roissy, Marseille, Lyon, Nantes, Rennes, Bastia, Bordeaux ou encore Toulouse. Des annulations entraînées selon elle par la grève des contrôleurs aériens en France. Un mot de l'actualité à l'étranger également. La Hongrie organisera le 2 octobre prochain un référendum voulu par le gouvernement. Il concernera le plan européen de répartition des réfugiés dans les pays membres de l'Union européenne auquel le Premier ministre Viktor Orban est opposé. Les courses hippiques, elles ont lieu aujourd'hui à Clairefontaine. Voici les pronostics de Bernard Glass. Le 2, le 4, le 5, l'As, le 3, le 14, le 8, le 7 et la dernière minute, le 5, art majeur. La météo pour cet après-midi, pas mal de nuages sur la majorité du pays, sauf autour de La Rochelle et de la Côte d'Azur. Des orages sur la Savoie et la Haute-Savoie cet après-midi. Pour les températures, comptez de 17 à 34 degrés dans le sud. Et c'est aujourd'hui la plus longue étape du Tour de France, la quatrième avec 237,5 km. Le Tour partira de Saumur, direction Limoges. Départ dans un petit quart d'heure maintenant. Ce sera bien sûr à suivre sur RTL. Hier, le Britannique Mark Cavendish a remporté au sprint la troisième étape. Le Slovaque Peter Sagan, quatrième de l'étape, a conservé son maillot jaune. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energy, fournisseur d'électricité et de gaz. RTL, 11h, passé de 3 minutes. Tout de suite, vous retrouvez Stéphane Bern dans À la bonne heure. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Si la sieste n'a pas toujours bonne presse dans notre pays, elle a pourtant de nombreuses vertus. Chut ! On recharge les batteries cet après-midi dès 15h dans On est fait pour s'entendre sur RTL. J'ai perdu 12 kilos avec Comme J'aime. 12 kilos, c'est l'équivalent de 12 bouteilles de lait. Vous imaginez, avant, c'était comme si je portais en permanence toutes ces bouteilles. Pour marcher, monter les escaliers, j'étais toujours épuisée. Avec Comme J'aime, je me suis enfin débarrassée de ces 12 kilos et je me sens légère. Comme J'aime, ce sont de vrais repas bien équilibrés, livrés à domicile. Ça marche, on perd ses kilos. Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit. En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante. 0800 507 507, un mois gratuit. Appel gratuit depuis un fixe. Petit message Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois, profitez de 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance offerte sur des Peugeot suréquipés. Et comme c'est la première fois, eh bien on vous le dit une deuxième fois. La 308 Style suréquipée est à partir de 219€ par mois, après un premier loyer de 2350€, avec 3 ans d'entretien incluant les pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerte. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. À la bonne heure. Sur RTL, le best-of. Stéphane Bern. Bonjour à tous, et je suis en compagnie de Patrice Carmouze. Bonjour Patrice. Bonjour. Eh bien, pour cette deuxième journée de best-of, comme on dit en français,